Henri et Adrien franchirent les grilles de Pérol à 3 heures. Le coffre de la voiture louée à l'aéroport était plein de sacs contenant les cadeaux de Noël qu'Adrien alla directement déposer au pied du sapin, dans le jardin d'hiver. Il en profita pour se récrier devant la décoration de la maison et embrasser Aurore avec un peu trop d'insistance. Nerveuse, Pascal les laissa s'installer, leur servit ensuite du café accompagné d'un cake qu'elle venait de sortir du four. Puis elle entraîna son père vers la bibliothèque, incapable d'attendre 5 minutes de plus. L'explication qu'elle différait depuis si longtemps lui devenait soudain urgente. Elle ne s'imaginait pas passant toute une soirée à rire et à s'amuser, alors que tant de questions graves demeuraient sans réponse. Son père était là. Il pouvait lui répondre, lui livrer enfin la vérité. « Tu as très bien arrangé cette pièce aussi », apprécia-t-il en regardant autour de lui. « Je n'ai pas touché à grand-chose. J'en ai fait mon bureau, comme toi à l'époque. Le mien était devant la fenêtre, et il était moins original que celui-ci. Je l'avais déjà à Paris. Sam me l'a offert pour mes 25 ans, tu ne t'en souviens pas ?»« Non. Il doit être mieux là que dans votre appartement. Et puis tu as changé l'éclairage aussi. C'est plus chaleureux. Oh, par exemple, voilà ma bergère !» Il alla directement s'asseoir dedans et ses mains se mirent à caresser le velours fané des accoudoirs. « Je ne m'attendais pas à la revoir un jour. Au fond, ta mère a été bien inspirée de sauver ses vieilleries, puisque tu en profites. » Son sourire triste faillit décourager Pascal, mais elle s'accrocha à sa résolution. « C'est justement de maman que je veux te parler, » annonça-t-elle d'un ton ferme. Sourcils froncés, il la regardait sans comprendre, et elle sentit son cœur se serrer. Comment allait-il réagir, confronté à ses propres mensonges? Pour s'épargner un préambule maladroit, elle alla ouvrir le tiroir du bureau, en sortit le livret de famille et vint le lui remettre. Il ne devait pas savoir de quoi il s'agissait, car il prit le temps d'ajuster ses lunettes sans paraître troublé. « Qu'est-ce que c'est que... » Sa voix mourut tandis qu'il lisait. Pendant une longue minute, il resta silencieux, puis il ferma le livret et le laissa tomber sur ses genoux. « Bien, » souffla-t-il. « Bien ?» Incrédule, elle recula et s'assit à son tour, mettant ainsi le bureau entre eux. « Une erreur de jeunesse que tu aurais beaucoup de mal à comprendre, avec la meilleure volonté du monde. Pas si tu me l'expliques, papa. De quel droit ? Ce n'est pas ma vie, c'était celle de ta mère. Son premier mariage ne lui avait apporté que du malheur. Elle ne voulait pas s'en souvenir. Encore moins en parler. Mais je me moque de ce mariage. C'est l'enfant qui m'intéresse, la petite fille. Elle est décédée. Non ! Si, je t'assure, elle ne me ment pas ! Hurla Pascal. Tu l'as fait par omission jusqu'ici. Alors maintenant, n'invente pas n'importe quoi, ce serait pire. » Suffoqué par sa virulence, Henri amorça un mouvement pour se lever, mais y renonça. Le silence tomba entre eux, sans que l'un ou l'autre parvienne à le rompre. Finalement, Henri ôta ses lunettes et se massa les tempes du bout des doigts. « Pourquoi es-tu en colère ? » murmura-t-il. « Nous n'avons fait que te protéger, ta mère et moi. À quoi t'aurait servi de connaître l'existence de Julia ? Certains fardeaux ne se partagent pas. » Il prononçait le prénom de Julia facilement, comme s'il en avait l'habitude. Pascal supposa qu'il devait y penser souvent. « Pourquoi l'a-t-elle abandonnée, papa ?» Elle ne pouvait pas faire face. Elle était seule, sans ressources. « Et le père de Julia ?» Parti au loin dès qu'il a vu le bébé. Atterré, Pascal continuait à scruter son père. Les événements dont il lui livrait des bribes avaient eu lieu 40 ans plus tôt, bien avant qu'elle ne vienne au monde. C'était l'histoire de sa mère, et elle voulait la comprendre. Mais elle se sentait indiscrète, importune. Ne juge surtout pas ta mère, Pascal. Souviens-toi qu'elle avait été en quelque sorte abandonnée par sa propre mère, puis par la famille Montag dès la mort d'Abel, enfin par son mari. À 20 ans, elle n'avait vécu que ça, le rejet, la trahison, l'abandon. Elle n'a pas su faire autrement avec Julia. Elle n'arrivait déjà pas à s'occuper d'elle-même. Comment aurait-elle pu prendre en charge une enfant aussi lourdement handicapée ? Julia avait besoin de soins et de structures que ta mère n'était pas en mesure de lui offrir. La seule solution pour elle a été de confier Julia à la DAS afin qu'elle devienne pupille de l'État et soit placée dans un établissement spécialisé. Comment se fait-il que Julia n'ait pas changé d'identité ? Au nom du droit à l'origine, l'état civil de l'enfant ne change pas, sauf s'il est adopté. Dans le cas de Julia, l'adoption était hors de question. Mais maman a continué à recevoir de ses nouvelles, à aller la voir, à... Bien sûr que non. Un abandon officiel fait perdre à la mère tous ses droits. De toute façon, Camille devait se débarrasser de son passé pour avoir une chance de refaire sa vie. Alors elle a tourné la page comme ça? Une fois Julia casée, elle l'a oubliée? Mais ne dis donc pas de sottises. Jeta Henri d'un ton mordant. Oubliée? Elle y a pensé chaque jour de sa vie, évidemment. C'était trop tard quand elle t'a rencontré. Elle ne pouvait plus rien faire pour reprendre contact avec sa fille. Je viens de t'expliquer que c'est impossible. Il semblait se durcir, se fermer à la discussion. Pourtant, il fit un effort visible pour continuer à parler. Ta mère s'est tout de suite attachée à Adrien. C'était un beau petit garçon en pleine santé. Elle s'est mise à l'adorer. Ensuite, elle t'a attendu, et ta naissance a représenté une véritable rédemption pour elle. Un temps, elle a été mieux. De nouveau, Pascal le vit presser ses doigts sur ses tempes, et elle eut l'impression de l'avoir mis à la torture. Il y eut un autre silence qui s'éternisa. « J'aurais voulu ne pas découvrir les choses par hasard, » murmura-t-elle enfin. « Si tu n'avais pas acheté Pérol, il en revenait toujours là, obstinément. Que lui cachait-il encore ? Elle désirait l'interroger sur sa rencontre avec Camille, savoir pourquoi il n'avait pas été rebuté par une femme capable d'abandonner un enfant sans défense. Mais effectivement, elle n'avait peut-être pas le droit de fouiller le passé de ses parents. « Est-ce qu'Adrien est au courant ?» se borna-t-elle à demander. « En partie, on lui avait dit, comme à tout le monde, que cet enfant était décédé. Plus tard... Bon, mais pour lui, elle n'est rien. Ils n'ont pas de sang commun. En fait, elle n'est rien pour personne, n'est-ce pas ? Maman n'est plus là. Raoul Coste a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Les Montag s'en sont lavés les mains. Tu n'as pas voulu t'en mêler. Et Adrien n'est pas concerné. En somme, il ne reste que moi. Quoi, toi ? Je vais essayer de la voir. Il doit y avoir un moyen. » « Si c'est ce que tu veux. Tu espères te découvrir une sœur qui va te tomber dans les bras ? Bon Dieu, Pascal, tu es médecin et tu sais ce que tu vas trouver. C'est déjà inimaginable qu'elle ait vécu jusque-là. Je ne t'apprends rien. Julia a le cerveau d'une enfant de 2 ans. Alors que tu ailles lui tenir la main, toi qui es une parfaite inconnue pour elle, ne lui apportera pas le moindre réconfort. Redescends sur terre, ma petite fille. » Martelant ces mots, soudain furieux, il ne supportait apparemment pas la perspective d'une rencontre entre elles. « C'est ce que ta mère voulait éviter à tout prix, et cela explique son silence. »« Pas le tien, papa. Après la disparition de maman, tu aurais dû me parler. »« Ah, mais tu es trop têtu à la fin. J'ai l'impression de m'adresser à un mur. Tu vois Julia comme une victime, et ta mère comme un bourreau, le beau résultat. »« Maintenant, écoute-moi bien, Pascal. Si c'était à refaire, je ne te dirais rien de plus. » Mais je prendrai soin de détruire ce foutu livret de famille. Depuis combien de temps rumines-tu à t'en rendre malade ? Est-ce que quelqu'un en tire un bénéfice quelconque ? Tu n'as aucune idée du drame qu'a vécu ta mère. Et quand tu oses dire qu'elle l'a oublié, moi je te réponds qu'elle en est morte au bout de 40 années de remords. Aujourd'hui, où qu'elle soit, elle est délivrée. Et moi aussi, figure-toi. Alors ne viens pas jouer au censeur, s'il te plaît. » Abandonnant la bergère, il marcha jusqu'au bureau, sur lequel Pascal avait reposé le livret. Il l'ouvrit rageusement et désigna une page d'un doigt tremblant. « Julia Nan, tu sais ce que ça signifie ?»« Sans souci, » chuchota Pascal. Étonné qu'elle le sache, il laissa retomber sa main. « Mon Dieu » soupira-t-il. Il plongea son regard dans celui de sa fille, attendit un peu puis se détourna. « Je suis fatigué. Je vais me reposer jusqu'au dîner. » D'un pas lourd, il quitta la bibliothèque et monta directement à sa chambre. Malgré le froid, il ouvrit la fenêtre, s'appuya à la rambarde. L'occasion d'être sincère, d'être absolument sincère, lui avait été donnée, mais il ne l'avait pas saisie. C'était trop tard quand elle t'a rencontré ? Elle ne pouvait plus rien faire pour reprendre contact avec sa fille ? Bien entendu, il s'était abstenu de répondre à cette question. Pascal n'avait pas besoin d'en apprendre davantage. Elle en savait déjà beaucoup trop. Maudit livret de famille. Pourquoi Camille l'avait-elle conservé, et surtout si mal caché ? La nuit tombait, et le parc commençait à être envahi par les ombres. Henri se pencha pour apercevoir les grands arbres. Des boules de gui envahissaient les plus hautes branches, évoquant par leur forme des nids d'oiseaux. Pascal devrait faire appel à un élagueur avant que cette saleté de plante parasite n'attaque toute la rangée d'érables. Lestrade le lui avait-il signalé au moins? La dernière fois qu'Henri l'avait appelé, il s'était expliqué vertement. Ficher la paix à Pascal et ne pas l'envahir. Tels étaient les ordres d'Henri. Moyennant quoi, il continuerait à lui envoyer un chèque annuel pour les plantations d'automne. Celle-là était sacrée, Lestrade le savait. Il se pencha un peu plus, cherchant du regard la rangée d'hibiscus. En été, l'alternance de fleurs blanches et mauves avait beaucoup d'allure. Il se souvenait encore du jour où il s'était décidé pour ces arbustes tropicaux destinés à faire oublier l'emplacement de l'atelier incendié. Une photo, sur le catalogue d'un pépiniériste, l'avait séduit. À ce moment-là, il s'intéressait au parc, à la maison, et dépensait sans compter. La disparition d'Alexandra n'y avait pas changé grand-chose. Sauf que ce choix de rester à Pérols, après la tragédie qui faisait de lui un jeune veuf, en avait surpris plus d'un. Mais pourquoi serait-il parti ? Avec l'hiver, les hibiscus ne ressemblaient plus qu'à des buissons de bois mort. Un peu plus loin, la serre était à peine visible dans la nuit. Enfant, il y avait joué à l'apprenti jardinier. Et plus tard, Adrien et Pascal s'y étaient amusés à leur tour. Combien de matinées Camille avait-elle passé là, penchée sur ses godets pleins de terreau, où elle semait des graines soigneusement sélectionnées. Il ne se rappelait pas exactement à quel moment la passion des fleurs s'était emparée d'elle. Très tôt, sans doute, car dans bon nombre de ses souvenirs, elle avait toujours un sécateur à la main ou un panier au bras. Dieu qu'elle était belle avec son canotier posé de travers sur ses cheveux de jais. Belle au point de faire disparaître Alexandra de sa mémoire. En épousant Camille, il avait eu l'impression de se marier pour la première fois. Un mariage différé, il l'aurait volontiers épousée sur le champ. Parce qu'il avait bien fallu la faire divorcer d'abord. L'ignoble Coste ayant abandonné femme, enfant et domicile conjugal, la procédure pour faute avait finalement rendu Camille libre de convoler. Mais avant cela, elle s'était installée à Pérols. À l'époque, l'extrême fragilité de Camille bouleversait Henri. Ses larmes, ses cernes, la manière dont elle pressait ses mains l'une contre l'autre, ses grands yeux noirs qui appelaient à l'aide. Comment aurait-il pu résister ? La protégée faisait de lui un homme. Il se sentait grandi, viril, indispensable. Déterminé à être le rempart dont elle avait un besoin vital, il l'entourait d'amour et la guidait pas à pas. Quand elle se blottissait contre lui la nuit, il se jurait d'en faire une femme heureuse. Hélas, les années passant, il avait dû se rendre à l'évidence de son échec. Le froid le fit frissonner et il ferma la fenêtre. Dans la chambre obscure, il hésita un moment, puis alla s'allonger sans allumer. La colère de Pascal le hérissait. Il estimait ne pas avoir de compte à rendre à sa fille, qui d'ailleurs ne disposait pas d'éléments nécessaires pour porter un jugement. Certes, il aurait pu les lui fournir, tout lui raconter. Tout ? C'était si complexe, si irrationnel. Pascal avait beau être intelligente, ouverte, elle risquait de rejeter ses arguments en bloc. Et malgré, ou à cause de tout l'amour qu'il lui vouait, il refusait d'avance d'être traité comme un monstre. L'était-il ? Oh Dieu, non. Il avait fait ce qu'il prenait pour le bien, même s'il s'en était mordu les doigts par la suite. À 30 ans, il ne savait rien de la vie. Fils de notable, il avait mis ses pas dans ceux de son père, de son grand-père, sans se poser de questions. Marié dès la fin de ses études, établi à Pérols dans la demeure familiale, son avenir semblait tracé. Exerçant la médecine avec rigueur, papa d'un beau petit garçon, il était le respectable docteur Henri Fontanelle. Seulement il y avait Camille, le grain de sable de son existence. Cette jeune fille dont il était tombé amoureux à l'adolescence allait de nouveau croiser sa route. Ce jour-là, il avait sombré dans le tumulte d'une véritable passion. Enfer et paradis, il ne regrettait rien. À tâtons, il chercha l'interrupteur de la lampe de chevet. La chambre où il se trouvait avait été celle de Pascal, enfant, et ne lui évoquait pas grand-chose. Tant mieux. Il n'aurait pas voulu se retrouver dans celle qu'il avait occupée durant tant d'années avec Camille. Où allait-il puiser la force de descendre réveillonné avec ses enfants ? Pourquoi sa fille, qu'il aimait par-dessus tout, le soumettait-elle à semblable torture ? Être ici, à Pérols, contraint à se souvenir du passé, jusqu'à revoir le visage de la pauvre Julia. Il ferma les yeux tandis qu'une angoisse aiguë lui serrait la gorge. Il n'était pas innocent, il ne pouvait pas y prétendre. Mais il vieillissait, et la lassitude le gagnait. Camille avait purgé sa peine, pas lui.